Chapitre 25e, dernier détail. On était au 22 novembre. Le départ suprême devait avoir lieu 10 jours plus tard. Une seule opération restait encore à mener à bonne fin, opération délicate, périlleuse, exigeant des précautions infinies, et contre le succès de laquelle le capitaine Nicholl avait engagé son 3e pari. Il s'agissait en effet de charger la Columbiad et d'y introduire les 400 000 livres de fulmi-coton. Nicholl avait pensé, non sans raison peut-être, que la manipulation d'une aussi formidable quantité de pyroxyle entraînerait de graves catastrophes et qu'en tout cas, cette masse éminemment explosive s'enflammerait d'elle-même sous la pression du projectile. Il y avait là de graves dangers encore accrus par l'insouciance et la légèreté des Américains, qui ne se gênaient pas, pendant la guerre fédérale, pour charger leurs bombes le cigare à la bouche. Mais Barbicane avait à cœur de réussir et de ne pas échouer au port. Il choisit donc ses meilleurs ouvriers, il les fit opérer sous ses yeux, il ne les quitta pas un moment du regard, et à force de prudence et de précaution, il sut mettre de son côté toutes les chances de succès. Et d'abord, il se garda bien d'amener tout son chargement à l'enceinte de Stones Hill. Il le fit venir peu à peu dans des caissons parfaitement clos. Les 400 000 livres de pyroxyle avaient été divisés en paquets de 500 livres, ce qui faisait 800 grosses gargousses confectionnées avec soin par les plus habiles artificiers de Pensacola. Chaque caisson pouvait en contenir 10 et arriver l'un après l'autre par le railroad de Tampa Town. De cette façon, il n'y avait jamais plus de 5 000 livres de pyroxyle à la fois dans l'enceinte. Aussitôt arrivé, chaque caisson était déchargé par des ouvriers marchant pieds nus et chaque gargousse transportée à l'orifice de la Columbiad dans laquelle on la descendait au moyen de grues manœuvrées à bras d'homme. Toute machine à vapeur avait été écartée et les moindres feux éteints à 2000 à la ronde. C'était déjà trop d'avoir à préserver ces masses de fulmi-coton contre les ardeurs du soleil, même en novembre. Aussi travaillait-on de préférence pendant la nuit, sous l'éclat d'une lumière produite dans le vide et qui, au moyen des appareils de Ruhmkorff, créait un jour artificiel jusqu'au fond de la Columbiad. Là, les gargousses étaient rangées avec une parfaite régularité et reliées entre elles au moyen d'un fil métallique destiné à porter simultanément l'étincelle électrique au centre de chacune d'elles. En effet, c'est au moyen de la pile que le feu devait être communiqué à cette masse de fulmi-coton. Tous ces fils, entourés d'une matière isolante, venaient se réunir en un seul à une étroite lumière percée à la hauteur où devait être maintenu le projectile. Là, il traversait l'épaisse paroi de fonte et remontait jusqu'au sol par un des évents du revêtement de pierre conservé dans ce but. Une fois arrivé au sommet de Stones Hill, le fil, supporté sur des poteaux pendant une longueur de 2000, rejoignait une puissante pile de benzène en passant par un appareil interrupteur. Il suffisait donc de presser du doigt le bouton de l'appareil pour que le courant fût instantanément rétabli et mit le feu aux 400 000 livres de fulmi-coton. Il va sans dire que la pile ne devait entrer en activité qu'au dernier moment. Le 28 novembre, les 800 gargousses étaient disposées au fond de la Columbiad. Cette partie de l'opération avait réussi. Mais que de tracas, que d'inquiétudes, de luttes avait subi le président Barbicane. Vainement, il avait défendu l'entrée de Stones Hill. Chaque jour, les curieux escaladaient les palissades et quelques-uns, poussant l'imprudence jusqu'à la folie, venaient fumer au milieu des balles de fulmi-coton. Barbicane se mettait dans des fureurs quotidiennes. J.T. Maston le secondait de son mieux, faisant la chasse aux intrus avec une grande vigueur et ramassant les bouts de cigares encore allumés que les Yankees jetaient çà et là. Rude tâche, car plus de 300 000 personnes se pressaient autour des palissades. Michel Ardan s'était bien offert pour escorter les caissons jusqu'à la bouche de la Columbiad. Mais l'ayant surpris lui-même un énorme cigare à la bouche, tandis qu'il pourchassait les imprudents auxquels il donnait ce funeste exemple, le président du Gun Club vit bien qu'il ne pouvait pas compter sur cet intrépide fumeur et il fut réduit à le faire surveiller tout spécialement. Enfin, comme il y a un dieu pour les artilleurs, rien ne sauta et le chargement fut mené à bonne fin. Le 3e pari du capitaine Nicholl était donc fort aventuré. Restait à introduire le projectile dans la Columbiad et le placer sur l'épaisse couche de fulmi-coton. Mais avant de procéder à cette opération, les objets nécessaires au voyage furent disposés avec ordre dans le wagon projectile. Ils étaient en assez grand nombre, et si l'on avait laissé faire Michel Ardan, ils auraient bientôt occupé toute la place réservée aux voyageurs. On ne se figure pas ce que cet aimable Français voulait emporter dans la Lune. Une véritable pacotille d'inutilité. Mais Barbicane intervint et l'on dut se réduire au strict nécessaire. Plusieurs thermomètres, baromètres et lunettes furent disposés dans le coffre aux instruments. Les voyageurs étaient curieux d'examiner la Lune pendant le trajet, et pour faciliter la reconnaissance de ce monde nouveau, ils emportaient une excellente carte de Baer et Mödler, la Mappa Selenographica, publiée en 4 planches, qui passe à bon droit pour un véritable chef-d'œuvre d'observation et de patience. Elle reproduisait, avec une scrupuleuse exactitude, les moindres détails de cette portion de l'astre tournée vers la Terre. Montagnes, vallées, cirques, cratères, pitons, rainures, s'y voyaient avec leurs dimensions exactes, leur orientation fidèle, leur dénomination, depuis les monts d'Orfel et Leibniz, dont le haut sommet se dresse à la partie orientale du disque, jusqu'à la mare Frigoris qui s'étend dans les régions circumpolaires du Nord. C'était donc un précieux document pour les voyageurs, car ils pouvaient déjà étudier le pays avant d'y mettre le pied. Ils emportaient aussi 3 rifles et 3 carabines de chasse à système et à balles explosives, de plus, de la poudre et du plomb en très grande quantité. « On ne sait pas à qui on aura affaire, » disait Michel Ardan. « Hommes ou bêtes peuvent trouver mauvais que nous allions leur rendre visite. Il faut donc prendre ses précautions. » Du reste, les instruments de défense personnelle étaient accompagnés de pics, de pioches, de scies à main et autres outils indispensables, sans parler des vêtements convenables à toutes les températures, depuis le froid des régions polaires jusqu'aux chaleurs de la zone torride. Michel Ardan aurait voulu emmener dans son expédition un certain nombre d'animaux, non pas un couple de toutes les espèces, car il ne voyait pas la nécessité d'acclimater dans la Lune les serpents, les tigres, les alligators et autres bêtes malfaisantes. « Non, disait-il à Barbicane, mais quelques bêtes de somme, bœuf ou vache, âne ou cheval, feraient bien dans le paysage et nous seraient d'une grande utilité. »« J'en conviens, mon cher Ardan, répondait le président du Gun Club, mais notre wagon projectile n'est pas large de Noé. Il n'en a ni la capacité ni la destination. Ainsi restons dans les limites du possible. » Enfin, après de longues discussions, il fut convenu que les voyageurs se contenteraient d'emmener une excellente chienne de chasse appartenant à Nicole et un vigoureux terre-neuve d'une force prodigieuse. Plusieurs caisses des graines les plus utiles furent mises au nombre des objets indispensables. Si l'on eût laissé faire Michel Ardan, il aurait emporté aussi quelques sacs de terre pour les y semer. En tout cas, il prit 12 arbustes qui furent soigneusement enveloppés d'un étui de paille et placés dans un coin du projectile. Restait alors l'importante question des vivres, car il fallait prévoir le cas où l'on accosterait une portion de la Lune absolument stérile. Barbicane fit si bien qu'il parvint à en prendre pour 1 année. Mais il faut ajouter, pour n'étonner personne, que ces vivres consistèrent en conserves de viande et de légumes réduits à leur plus simple volume sous l'action de la presse hydraulique et qu'ils renfermaient une grande quantité d'éléments nutritifs. Ils n'étaient pas très variés, mais il ne fallait pas se montrer difficile dans une pareille expédition. Il y avait aussi une réserve d'eau-de-vie pouvant s'élever à 50 gallons et de l'eau pour 2 mois seulement. En effet, à la suite des dernières observations des astronomes, personne ne mettait en doute la présence d'une certaine quantité d'eau à la surface de la Lune. Quant aux vivres, il eût été insensé de croire que des habitants de la Terre ne trouveraient pas à se nourrir là-haut. Michel Ardan ne conservait aucun doute à cet égard. S'il en avait eu, il ne se serait pas décidé à partir. « D'ailleurs, dit-il un jour à ses amis, nous ne serons pas complètement abandonnés de nos camarades de la Terre. Ils auront soin de ne pas nous oublier. »« Non, certes, répondit J.T. Maston. « Comment l'entendez-vous ? Demanda Nicole. « Rien de plus simple, répondit Ardan. « Est-ce que la Columbia ne sera pas toujours là ? Eh bien, toutes les fois que la Lune se présentera dans des conditions favorables de zénith, sinon de périgée, c'est-à-dire 1 fois par an à peu près, ne pourra-t-on pas nous envoyer des obus chargés de vivres que nous attendrons un jour fixe ?»« Hurrah ! Hurrah ! » s'écria J.T. Maston, un homme qui avait son idée. « Voilà qui est bien dit. Certainement, mes braves amis, nous ne vous oublierons pas. J'y compte. Ainsi, vous le voyez, nous aurons régulièrement des nouvelles du globe. Et pour notre compte, nous serons bien maladroits, si nous ne trouvons pas moyen de communiquer avec nos bons amis de la Terre. » Ces paroles respiraient une telle confiance que Michel Ardan, avec son air déterminé, son aplomb superbe, eût entraîné tout le Gun Club à sa suite. Ce qu'il disait paraissait simple, élémentaire, facile, d'un succès assuré, et il aurait fallu véritablement tenir d'une façon mesquine à ce misérable globe terraqué pour ne pas suivre les trois voyageurs dans leur expédition lunaire. Lorsque les divers objets eurent été disposés dans le projectile, l'eau destinée à faire ressort fut introduite entre ses cloisons et le gaz d'éclairage refoulé dans son récipient. Quant au chlorate de potasse et à la potasse caustique, Barbicane, craignant des retards imprévus en route, en emporta une quantité suffisante pour renouveler l'oxygène et absorber l'acide carbonique pendant 2 mois. Un appareil extrêmement ingénieux et fonctionnant automatiquement se chargeait de rendre à l'air ses qualités vivifiantes et de le purifier d'une façon complète. Le projectile était donc prêt, il n'y avait plus qu'à le descendre dans la Columbiade, opération d'ailleurs pleine de difficultés et de périls. L'énorme obus fut amené au sommet de Stones Hill. Là, des grues puissantes le saisirent et le tinrent suspendu au-dessus du puits de métal. Ce fut un moment palpitant. Que les chaînes vinssent à casser sous ce poids énorme, et la chute d'une pareille masse eût certainement déterminé l'inflammation du fulmicoton. Heureusement, il n'en fut rien, et quelques heures après, le wagon projectile, descendu doucement dans l'âme du canon, reposait sur sa couche de pyroxyle un véritable édredon fulminant. Sa pression n'eut d'autre effet que de bourrer plus fortement la charge de la Columbiade. « J'ai perdu, » dit le capitaine en remettant au président Barbicane une somme de $3,000. Barbicane ne voulait pas recevoir cet argent de la part d'un compagnon de voyage, mais il dut céder devant l'obstination de Nicole qui tenait à remplir tous ses engagements avant de quitter la Terre. « Alors, » dit Michel Ardan, « je n'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, mon brave capitaine. Laquelle ?» demanda Nicole. « C'est que vous perdiez vos 2 autres paris. De cette façon, nous serons sûrs de ne pas rester en route. »